pied. Moi, mal et sous couvert, il fait bon grisé. Il faut que m'y lève pour aller travailler. Ça, il casse mon rêve, il fausse mon effet. Alors comme ça, pour prolonger mon sommeil, mal à trouver, allons-y, remplace un soleil. Oui, soleil, l'actualité, ça l'a pas travaillé, bon Dieu. Ça l'a pas travaillé, bon Dieu. Des mounes là-bas, l'autre côté, l'océan, il finit pitié, il fait couler le sang. L'autre là pour bataille, pour rêver l'argent, pour être gouverneur ou bien président. Pour être gouverneur ou bien président. À moi ici, dans mon petit coin, pour sortir coup dans ce monde pourri. Moi la petite, ainsi un petit joint. La rala moi donne un paradis. La rala moi donne un paradis. Zamal, Zamal, Zamal, Zamal, Zamal. T'y fais mal le cœur mon petit zézer. Et pour autant moi les fiers. Moi la sens l'univers, la miwa, le ciel, les roses. Si l'amour y pose, ensemble avec mon cœur y explose. Ensemble avec mon cœur y explose. Zamal, Zamal, Zamal, Zamal, Zamal. T'y fais mal le cœur, bon gouvernement, gouvernement. Couler l'argent et l'argent, couler les rires. Oh les rires, soumets la mort. Oh les rires, soumets la mort. Oh les rires, soumets la mort. Soleil.